is so good. Notre Père est bon. We have a good father. Wir haben einen guten Vater. We have a great father. Wir haben einen großartigen Vater. On a un Père merveilleux. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Praise Jesus. Alleluia. Please, I'm going to talk. Today's message is going to be a continuation of our previous message. Die heutige Botschaft ist die Weiterführung unserer vorigen Botschaft. Aujourd'hui, on va continuer avec notre message que on avait déjà parlé semaine passée. Hate sentiments. Hasse Sentimentalität. De détester les sentiments. And walk by Christ's principles. Und wandle nach den Prinzipien von Christus. Et marcher dans les principes de Jésus-Christ. Amen. Please remember that we are bought with a price. Erinnert euch daran, dass wir mit einem Preis erkauft worden sind. Rappelez-vous qu'on était acheté avec un prix très haut. Jesus paid for our salvation with his blood. Jesus hat mit seinem Blut für unsere Rettung bezahlt. Jésus a payé avec son sang notre salut. It is not his will for anyone to go to hell. Es ist nicht sein Wille, dass irgendjemand in die Hölle geht. C'est pas sa volonté que quelqu'un va en enfer. But because of God's children's selfishness, people are going to hell. Aber wegen der Selbstsucht von Menschen, wegen der Selbstsucht von Kindern Gottes, gehen Menschen in die Hölle. Mais à cause du l'égoïsme des enfants de Dieu ou bien des personnes, les gens vont en enfer. Your decision will not only affect you, but will affect your children, your generation, from generation to generation. Deine Entscheidungen werden nicht nur dich betreffen, sondern auch deine Kinder und deine Kindeskinder. Ta décision, ça va pas seulement, c'est pas seulement pour toi-même, mais c'est pour tes enfants et la génération. If you choose Christ, it will be a generational blessing. Amen. Wenn du Christus wählst, wird es ein Generationssegen sein. Et si tu choisis Jésus-Christ, ça sera une bénédiction pour la génération. But no to Christ is a generational curse. Aber wenn wir Nein zu Christus sagen, ist unsere Generation verflucht. Mais si on dit non à Jésus-Christ, ça devient une malédiction pour notre génération. Jesus became a curse for us, so that any curse coming to us is erased. Jesus wurde zu einem Fluch, damit jeglicher Fluch, der auf uns zukommt, ausradiert ist. Jésus est devenu la malédiction pour que notre malédiction soit effacée. And no one can curse God's children. Und niemand kann Kinder Gottes verfluchen. Amen. Et personne est capable à maudire les enfants de Dieu. Do you know why? Est-ce que vous savez pourquoi? Because you are in this world, but not of this world. Weil wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind. Parce qu'on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. If you are in this world and you are of this world, curses will come to you. Auch wenn du wiedergeboren bist. If you are in this world, of this world, curses will come to you. As a child of God. If you are a child of God, it will not. If you are in this, what do you mean that? If you are in this world, because you can be a child of God and still live in this world, you better grow out of this world. Before the curses will not come to you. If even you are a child of God, you know, go and see pastor dying. They die. Anyhow. Because, you know, if you belong to this world, it's a matter of time. You are like a time bomb. You carry your cross every day. Also, wenn wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind, dann können Flüche uns nichts anhaben. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, aber dennoch von dieser Welt sind und auf dieser Welt leben, dann werden Flüche etwas ausrichten können. On vit dans ce monde, mais on sait qu'on n'est pas de ce monde. Là, la malédiction ne va pas nous affecter. Mais si on est des enfants de Dieu et on vit encore dans ce monde, là, c'est possible que la malédiction nous affecte parce qu'on utilise les principes de ce monde. In Romans 8, Verse 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. He said, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. It's not being born again, but being led by the Spirit of God. Aber es geht nicht darum, wiedergeboren zu sein, sondern vom Geist Gottes geleitet zu sein. Ça ne s'agit pas d'être né de nouveau, mais ça s'agit d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. To be a son of God, you have to allow the Spirit of Christ to lead you. Um ein Sohn Gottes zu sein, musst du zulassen, dass der Geist Gottes dich auch leitet und nicht, dass du dich selbst leitest. D'être un enfant de Dieu, ça signifie que tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. If you are the one leading yourself, you are not a son of God. Wenn du dich selbst leitest, bist du kein Sohn Gottes. Si toi-même tu te conduis par si tu te conduis par toi-même, cela veut dire que tu es pas un enfant de Dieu. Vielleicht hast du das Gebet gebetet, aber du bist kein Sohn Gottes. Peut-être tu as prié, tu as prié, tu as fait la prière du salut, mais tu es pas un enfant de Dieu. The question is who is leading you. Die Frage ist, wer leitet dich? Parce que la question est qui, c'est qui la personne qui te conduit? Who do you choose to lead you? Wen erlaubst du dich zu leiten? Qui tu permettre à te guider? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also, let me quickly go to the second part, because this is not today's message, I'm just saying it. The Lord gave it to me before coming here. Amen. When I was dressing up. Amen. Amen. You know, he said, trust, take time. Vertrauen braucht Zeit. Avoir la confiance, ça prend du temps. You know, love and trust, they are two different things. Liebe und Vertrauen sind nicht dasselbe. L'amour et la confiance, ce sont pas des choses, ce sont deux choses différentes. You don't need to work for me to love you. Du musst nichts tun, damit ich dich liebe. Tu dois rien faire pour que je t'aime. I love you no matter what. Liebe ist bedingungslos. Parce que l'amour est inconditionnel. God kind of love is based on a conditional love. Gottes Liebe basiert auf God so loved the world, it's not because the world is good to him. Gottes Liebe ist bedingungslos. Gott hat die Welt so sehr geliebt, obwohl die Welt nicht liebenswert war. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu a aimé le monde et il a aimé le monde sans que le monde le remet ou bien le montre cet amour sans condition. Amen. God's love is not the same as this love of this world. Und die Liebe von Jesus Christus ist nicht die gleiche Liebe von dieser Welt. Amen. Et l'amour de Jésus-Christ, c'est pas la même amour que l'amour de cette monde. The love of this world is based on how people react to you. Condition. Die Liebe dieser Welt full of conditions. They love you. Fight it, love knows. Es gut drauf. Please continue. Okay. Die Liebe dieser Welt basiert nicht auf basiert auf Dingen, die du tust, aber die Liebe von Jesus Christus basiert nicht auf den Dingen, die du tust. Car l'amour de cette monde ça c'est avec des conditions, mais l'amour de Jésus-Christ c'est sans conditions, c'est inconditionnel. The love of this world is based on if you do good, people love you. If you do bad, people hate you. That's the love of this world. But Christ's love is with good or bad. He loves you. That's why he came to die for everybody. Amen. Die Liebe dieser Welt basiert darauf, dass wenn du den Leuten Gutes tust, sind sie gut zu dir. Und wenn du ihnen Schlechtes tust, sind sie schlecht zu dir. Et l'amour de ce monde s'agit si toi tu me fais du bien, moi aussi je te fais du bien. Si tu me fais du mal, moi aussi je te fais du mal. Mais l'amour de Dieu, c'est la contraire, c'est pas la même chose. Praise the Lord. Hallelujah. The love of Christ is to reveal the truth to people. Die Liebe von Jesus Christus muss den Leuten die Wahrheit offenbaren. L'amour de Jésus Christ, c'est de révéler les gens la vérité. Amen. Amen. Then the trust, to trust. Vertrauen. Et la confiance. Trust is based on action. Vertrauen basiert auf Werke. La confiance s'appuie sur les actes. You work to earn trust. Du arbeitest, um dir Vertrauen zu verdienen. Tu travailles pour mériter la confiance. Jesus said he loves us. Jesus sagt, er liebt uns. Jésus dit, il nous aime. And you know, we have to trust him. Wir müssen ihm vertrauen. Mais on doit aussi lui faire confiance. And he came here to die for us. Und er kam hierhin, um für uns zu sterben. Il est venu pour mourir pour his nous. His death is a proof that, you know, because of his death, we can trust him. Wegen seinem Tod können wir ihm vertrauen. À cause de son mort, on est capable à lui faire confiance. So trust take time to build, and that's why I don't miss. Don't pray that. Don't confuse it with. Don't confuse it with love, and also don't pray that trust that God's children trust you is broken. Vertrauen braucht Zeit, und deswegen müssen wir darauf achten, dass wir dieses Vertrauen nicht zerstören, besonders zwischen Kindern Gottes. Et comme je viens de dire, la confiance a besoin du temps. C'est pour cela qu'on doit prier que notre confiance à travers que la confiance des enfants de Dieu à travers de nous soit pas détruite. Because for God's children to trust you, it means it's Christ himself that trusts you. Wenn Kinder Gottes dir vertrauen, ist es Christus, dir vertraut. Parce que si les enfants de Dieu te font confiance, ça veut dire que Jésus-Christ aussi te fait confiance. If God's children does not trust you any longer, it means Christ does not even trust you any longer. Wenn wahrhaftige Kinder Gottes dir nicht mehr vertrauen können, dann kann auch Christus dir nicht mehr vertrauen. Et si les enfants de Dieu sont plus capables à te faire confiance, cela veut dire aussi que Jésus-Christ aussi est plus capable de te faire confiance. It's not the church. Don't trust me, but Jesus trust me. Yes, you cannot separate the church and Christ. Du kannst nicht sagen, die Kirche vertraut mir nicht mehr, aber Jesus vertraut mir immer noch. Das funktioniert nicht. Du kannst die Kirche nicht von Jesus Christus trennen. Tu peux pas dire que l'église me fait plus confiance, mais Jésus-Christ me fait confiance. Tu peux pas séparer l'église et Jésus-Christ. And trust takes time to build. Und Vertrauen braucht Zeit, wieder aufgebaut zu werden. La confiance a besoin du temps pour que ça soit pour qu'elle soit rétablie. Oui. Praise the Lord. Alléluia. Again, today's message is we walk by Christ's principles. Die Botschaft von heute, da geht es darum, dass wir nach den Prinzipien von Jesus Christus wandeln. Amen. Et le message d'aujourd'hui, que c'est on puisse être capable à marcher dans les principes de Jésus Christ. If people fall, we mourn. Wenn Menschen fallen, dann trauern wir. Et quand les gens tombent, on est attristé. Oui, on est attristé. Mais we will not mourn forever. Wir werden nicht für immer trauern. Mais on va pas être en deuil, on va pas être triste pour toujours. Praise the Lord. Premier Samuel 16, 1 bis 3. 1 jusqu'à 3. And the Lord said unto Samuel, are we there, please? Mm-hmm. How long will thou mourn for Saul? We mourn for people. Wir trauern um Menschen, when they reject Christ, wenn sie Jesus Christus verweigern, Christ, wenn sie Christus im Stich lassen. Amen. Amen. Amen. It's a painful mourn. Es ist eine schmerzhafte Trauer. On pleure quand des gens tombent, et c'est une douleur vraiment qui est très grave. He says, seeing I have rejected him from reigning over Israel. I have rejected him. Ich habe ihn verworfen. It's not about Samuel, it's about the true God. Es geht nicht um Samuel, sondern es geht um den wahrhaftigen Gott, der dich verworfen hat. Le Seigneur dit que j'ai rejeté rejeté Saül. And that's why your neighbor is no man, it's Christ. Deswegen ist dein Nächster nicht der Mensch, sondern Christus selbst. C'est pour cela ton prochain, c'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ. What Saul did, it was, you know, he thought it was against man, but not against the true God. Was Saul getan hat, er dachte wahrscheinlich, dass es um Menschen geht, dass er Menschen fallen gelassen hat, aber es ging um den wahrhaftigen Gott. Et Saül croyait que ce qu'il a fait, c'était contre les hommes, mais il n'a pas compris que ce qu'il a fait, c'était contre le Seigneur. You can see that it is the spirit that rejected King Saul. and not the flesh. It's not about the flesh, it's about the spirit. Aber ihr seht, es ist der Geist, der König Saul verweigert hat und nicht das Fleisch. Et vous voyez aussi que c'était l'esprit qui a rejeté Saül, c'était pas la chair. This ministry is about the spirit. In dieser Gemeinde geht es um den Geist und nicht das Fleisch. Dans cette église, ça s'agit de l'esprit et pas de la chair. It is about Christ and not religion. Es geht um Christus und nicht um Religion oder den Satan. Ça s'agit de Jésus-Christ et pas de religion ou bien du Satan. We don't have religion, we have Christ. Wir haben keine Religion, sondern wir haben Jesus Christus. On n'a pas la religion ici, on a seulement Jésus-Christ. If you read here, amen, look at it. He said, I have, God said, he is the one that rejected King Saul. Gott sagt hier, er ist derjenige, der König Saul verweigert hat, verworfen hat. Ici on lit que c'est l'Éternel qui l'a dit qu'il a rejeté Saül. Praise the Lord. Remember Jesus. You know, once you come to Christ, you are no longer. You become a king. Wenn wir zu Christus gehören, werden wir zu Königen. Si on vient à Jésus-Christ, cela veut dire qu'on devient des rois. Let's go to Revelation 19. On va lire Apocalypse 19. 18. 18. 19. Praise the Lord. Hallelujah. Revelation 19. Offenbarung 19. Vers 16. Apocalypse 19, verset 16. He said, and he had on his vesture and on his tire a name written, King of Kings and Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Et sur son menton et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. He is King of Kings. Er ist der König der Könige. Because you and me, we are kings. Weil wir Könige sind. Amen. Il est roi des rois parce que nous aussi nous sommes des rois. We just read 1 Samuel where God, the true God, rejected the king. Wir haben gerade 1 Samuel gelesen. Rejected him. You know, he said you are no longer a king. Wo der wahrhaftige Gott, I don't know if you are getting it. König Saul verweigert hat und gesagt hat, du bist kein König mehr. On vient de lire dans 1 Samuel que le Seigneur a rejeté le roi Saül. You know, the saved, they're supposed to be kings. Die Erretteten, die müssten eigentlich Könige sein. Normalement, les gens qui sont sauvés doivent être des rois. And if the Lord rejects you from being a king, it means a lot. Und wenn der Herr dich davon verwirft, dass du nicht mehr König bist, ist das eine große Bedeutung. Et si le Seigneur te rejette de ne plus être un roi, cela a une grande signification. Praise the Lord. Alléluia. You know, if you look at... Sorry, aber ich habe eine Frage, damit ich das die Stelle hier verstehe, in 1. Samuel. Dieses Mitleid, was Samuel hatte, ne? War das dann geistlich oder war das fleischlich? It was a flesh. Okay, also... And that's why the Lord says stop it. Okay. Amen. Osase vient de demander si cette... Si cette pitié c'était spirituel ou bien c'était dans la chair. Et le pasteur m'a mis bien de dire que c'était dans la chair. C'est pour cela que Dieu a dit à Samuel d'arrêter d'avoir pitié de Saül. We are going to mourn for people, but not it's not forever. No, he said, how long? You have the money, how long? Do you let it go? On va pleurer ou bien on va avoir des soucis pour des gens qui sont tombés, mais le Seigneur a dit à Samuel, pour combien de temps encore tu veux être dans la douleur, pour combien de temps tu veux pleurer pour Saül? Parce qu'il y a un temps de pleurer, mais il y a un temps aussi de laisser ces choses-là partir. You know, here the Lord said he is the one that rejected, you know, he rejects King Saul and not Samuel. So also in this ministry, somebody is rejected here. It's Christ that is rejecting that person. and not just this ministry. Genauso wie wenn hier in dieser Gemeinde jemand verworfen wird, ist es nicht das, das Fleisch verwirft, sondern es ist Jesus Christus, der verwirft. Et c'est la même chose dans l'église. Si quelqu'un est rejeté, ce n'est pas la chair qui rejette cette personne, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui rejette cette personne. Because, you know, our prayer here is always whatever we choose should come from him. Unser Gebet hier ist immer das, was immer wir wählen, von Christus kommen soll. Et notre prière ici, c'est toujours que la volonté de Dieu s'y manifeste. And we always pray that any decision that is not coming from him, we reject all. Wir beten auch immer, dass jede Entscheidung, nicht von, die nicht von ihm ist, dass wir sie verweigern. Amen. Et on prie aussi que tous les choix qu'on fait, qui est pas de Jésus-Christ, c'est qu'on le rejette aussi. We always pray that we welcome any, you know, any decision he wants us to take. Wir beten dafür, dass wir immer seine Entscheidung willkommen heißen und die Entscheidung des Satans verweigern. Et on prie toujours que la décision ou bien la volonté du Seigneur dans notre choix soit toujours sur place dans cette église. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You know, he has been giving us time. He gives people time. Er gibt uns Zeit. Er gibt Menschen Zeit, Buße zu tun. Et le Seigneur donne les hommes le temps pour se repentir. You know, just like he gives King Saul time to repent. Genauso wie er König Saul Zeit gegeben hat, Buße zu tun. Et c'est la même chose avec le roi Saül. Il a donné Saül le temps pour se repentir. Wisst ihr, wie oft König Saul den Herrn immer wieder verweigert hat oder verstoßen hat durch seine Entscheidungen und Aktionen? Et combien de fois le roi Saül a rejeté par sa choix le Seigneur? The Lord is still rejecting people today. Und der Herr verweigert auch heute noch Menschen. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur rejette des gens. Why? Because you reject him. Weil du ihn verweigert hast. Et pourquoi? Parce que toi-même, tu lui as rejeté. Go to Proverbs 8. Sprüche 8. Proverbe 8. Praise the Lord. Amen. Proverbs 8. Sprüche 8. Verse 17. Verse 17. He said, I love them that love me. Amen. Amen. And those that seek me early shall find me. Moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent ne manquent pas de me trouver. In another word, I hate those that hate me. Er hasst die, die ihn hassen. Et dans un autre mot, il déteste les gens qui lui détestent. Go to James. James 4. Jacques. 4. Jacques 4. I know what you want to ask. I already know. James For God so loved the world and this. James 4. Jacobus. I just want to ask. 4. It don't mean this I love those that love me. Don't mean that he hates the people, but he hates sin. Or he hates sin, and you are if you, you know, if you open the door for Satan to come in, you and Satan, you are one. You are vessel. You become a vessel for Satan. Yes. You understand me? Understand. He told Peter, "Get behind me, Satan." He was speaking to Peter. You get it. You know, sometimes we want to separate the people from Satan. You cannot do that. I don't know if you are getting something here. Okay. Oft wollen wir die Leute vom Satan trennen, aber wem du dich hingibst, der ist auch dein Meister. Und dessen Werke du tust, der bist du dann auch. Wenn du die Werke des Satans tust, wirst du zum Satan. Und deswegen wird das dann gleichgesetzt. Et beaucoup de fois, on veut séparer... Leute trennen mit... Les gens font Satan. Tu dis, on veut séparer les gens du Satan, mais la personne que tu te donnes, il va devenir ton maître. Et c'est pour cela les actes ou bien le choix que tu fais, qui est du Satan, c'est inséparable. Just one little question, maybe you can answer directly with where you're going. Because if we talk to people, and how can we tell them, come to Christ because he loves you? Yeah, love you, that's why I gave you Jesus. He hates you, come to Christ. Yeah, if you want to so tell them he loves you, come to Christ because he loves you, that's why he died for you. Yes, because I don't understand how I can mix it with this. This very place is telling you that. That's why I said go to James. Okay. Go to James 4 verse 8. He said, draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Jakobus 4, 8. Jacques 4, verset 8. Are we there, please? Da steht, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Amen. If you are going to preach to people, John 3:16, for God so loved the world, he gave his only begotten son. Amen. Amen. Whoever loves also hates. Wenn du zu Menschen predigst, wirst du natürlich über Johannes 3,16 sprechen und sagen, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er für sie gestorben ist. Aber wer liebt, der hasst auch. Bien sûr, si tu prêches chez les gens, tu vas leur donner le verset de Jean 3,16 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Mais il faut savoir aussi que c'est lui qui aime, il déteste aussi. You know, Christ, you know, God is always in, it's like his soul is here. You are the one always going up and down. Gott ist sozusagen immer an einem gleichen Punkt, aber wir sind diejenigen, die uns von ihm entfernen oder sich ihm nähern. Le Seigneur est toujours dans dans une seule point, mais c'est nous qui on vient, on sort, on vient, on sort. You got it. If you come to him, it's as if he's the one drawing near to you. Wenn du zu But you are the one coming nearer and going away from him. If you go far away from him, this distance will be far. He, you know, he said, come, he said, draw nigh to God, and he will draw nigh to you. God never moves. He's in a standstill. But you are the one that is from here to here. Before you know it, you are far away. Then you are coming gradually, and you are going again. Also das Kreuz bewegt sich nicht, es bleibt am gleichen Punkt. Jesus Christus bewegt sich, es bleibt am gleichen Punkt, aber du entscheidest, wie nah du an dieses Kreuz gehst oder wie weit du dich davon entfernst. Und manchmal, wenn du dich entfernst von dem Kreuz, wirkt es so, als ob Jesus sich entfernt, aber du hast dich entfernt. Und genauso, wenn du dich diesem Kreuz näherst, ist es, als ob das Kreuz auf dich zukommt, aber du hast dich auf dieses Kreuz zubewegt. La croix ne bouge jamais, le Seigneur ne bouge jamais. C'est toi qui fais la choix si tu t'approches ou bien si tu t'écartes du Seigneur. Et parfois, ça semble comme si tu t'approches du Seigneur, que le Seigneur s'approche à travers toi. Ou bien si tu t'écartes du Seigneur, que le Seigneur s'écarte. Non, la croix se reste toujours dans une place. Ce sont nous les hommes qui reviennent ou bien qui s'approchent au Seigneur. You know, Jesus Christ is a savior and it's a problem. Jesus Christus ist ein Retter, aber er ist aber auch gleichzeitig das Problem. Jésus Christ est le sauveur, mais en même temps il est aussi le problème. Because you made him to be a problem. Weil du ihn zu deinem Problem gemacht hast. Because you reject him. Weil du ihn verweigert hast. Parce que c'est toi qui as fait Jésus Christ le problème parce que tu l'as rejeté. Your problem is not what you see outside. Your problem is Christ. Dein Problem ist nicht das, was That's du außen siehst, the solution. Sondern er ist das Problem und gleichzeitig auch die Lösung. Le problème c'est pas que ce que tu vois, mais le problème c'est que c'est Jésus-Christ que tu as rejeté. Mais le même temps aussi, c'est lui la solution. Ich wollte zu diesem Hassen sagen, es gibt ja auch andere Bibelstellen, wo auch steht, dass wir gewisse Dinge hassen sollen oder Familie hassen sollen, dass dieses Hass sich ja eher bezieht, dieses Zurückwerfen, also Verwerfen und nicht dieses Hass von dieser Welt, mit, was mit Gefühlen verbunden ist. Weil wenn der Herr Menschen hasst, dann heißt das ja nicht, dass er die vom Gefühl her hasst, sondern dass er dir verwirft, so wie er Saul ja verworfen hat. Oder nicht? Das ist das. Erklär mal. Genau. She said that the hate, God is speaking about, it's not the hate of this world. Because the world, if they hate people, you know how they treat people. It's emotional. But if Christ hates something, it's different. He rejects. Yes, exactly. He rejects. Exactly, yeah. You know, if Christ hates, it's like his love too. I thought you spoke in a Congo. Okay. Amina nous a encore rappelé que quand le on peut pas comparer le quand le monde déteste une personne et quand Dieu déteste une personne. Quand Dieu parle, quand Dieu dit qu'il déteste une personne, ça veut dire qu'il rejette cette personne. C'est pas qui parle des sentiments ou quoi que ce soit, mais c'est seulement que il peut pas être dans sa présence. Donc il y a une différence entre quand on parle de détester ou d'haïr quelqu'un, il faut différencier entre le monde, le royaume des cieux et ce monde terrestre. Praise the Lord. Alléluia. You know, the love of this world and the love of Christ, they are two different loves. So also the hate, everything, the joy, it's all kind of joy, it's all kind of peace. They are all different. So also is the hate. He hates you, that it does not mean he's not still knocking. That you allow him to come in and be with you. Do you get it? He hates you, but that does not mean he is not still knocking. As far as you are still here on earth, after death is judgment. But once you are still here on earth, he hates those that hate him, though he is still there to save them. Amen. Und Gott, er hasst die, die ihn hassen, aber dennoch ist immer noch ein Weg zu ihm da, wenn wir Buße tun, uns für ihn entscheiden. Und dann ist er wieder, er ist da für uns, indem er uns einen Weg ebnet oder einen Weg bereithält, zu ihm zurückzukehren, wenn wir ihn annehmen. Aber dennoch hasst er uns. Le Seigneur nous déteste, mais malgré dans cette haine ou bien qui nous déteste, il nous ouvre toujours encore la porte de venir à travers lui en même temps. Oui. You know, in Old Testament, you say kill all of them. Im Alten Testament sehen wir sehr oft, wie Gott sein Gericht vollzieht, indem er ganze Völker auslöscht. Kill the people because they are polluted. We not say that. Let me separate them from Satan. Ganze Völker auslöscht mit den Kindern. Dans l'Ancien Testament, on voit même comment le Seigneur a dit de détruire tout, de tuer toutes les personnes, que ce soit des enfants, que ce soit des femmes. If we want us to go there. Amen. Amen. You know, because if the body is polluted, the Holy Ghost cannot live there. Mm-hmm. You understand me? Mm-hmm. And it means death. And that is why, you know, your body is a vessel. And whoever you allow to be your master will use it. If you submit it to Christ, it becomes Christ's property. If you submit it to Satan, it becomes Satan's property. And Satan have his job to steal, kill, and destroy. And that body is rubbish. The real you is your spirit, and you are now allowing the Satan to come into you, and now use your body that's supposed to be a temple of Christ. We say we go there later. Amen. Amen. That is 1 Corinthians 6. That's supposed to be a vessel for Christ. It's now a vessel for Satan, and that vessel must be destroyed. Und wenn dein Körper halt verunreinigt ist, kann der Heilige Geist nicht dadurch arbeiten und wenn der halt verunreinigt ist, muss er halt zerstört werden. Und deswegen müssen wir ja uns entscheiden, ob wir unseren Körper als Gefäß für den Teufel hergeben oder als Gefäß für Jesus Christus hergeben, damit er dadurch arbeitet. Aber wenn wir es für den Teufel hergeben, wird es vom Teufel dominiert werden und das, was vom Teufel dominiert wird, muss zerstört werden. Notre corps, s'il est pour lui. Pollué, le Saint-Esprit ne peut pas travailler à travers notre corps. C'est pour cela que c'est très important de faire sa choix, de savoir ou bien tu laisses ton corps à Jésus-Christ ou bien tu laisses ton corps au Satan. Et là où tu vas donner ton corps, c'est là aussi que la personne va te diriger. Si tu le donnes à Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui va utiliser ton corps comme sa vase. Mais si tu donnes ton corps au Satan, le Satan, tout ce qu'on donne au Satan, c'est le but, c'est d'être détruit. If you are being rejected in a living church, it's a big problem. Wenn du verweigert wirst, it's not something easy. Aus einer lebendigen Gemeinde ist es keine. I'm not talking about religion. Ist es keine Spielerei. Das ist etwas Ernstes. Ich meine nicht eine religiöse Gemeinde, sondern wirklich eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist geleitet ist und lebendig ist. Et si tu es rejeté dans une église vivante, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Amen. Amen. You know, you even pray that religious church they reject you. Du sollst sogar beten, dass religiöse Gemeinden dich verweigern, weil dann machst du was richtig. Tu devrais normalement. Because you are opposite them, they will reject you. Et normalement, tu devrais aussi prier qu'une église religieuse te rejette parce que tu es contre la religion. But in a living church, a living ministry. If you are being rejected, it's Christ himself that is rejecting you. No, it's not about the ministry, it's about Christ. In einer lebendigen Gemeinde, wo wirklich Jesus Christus der Puls dieser Gemeinde ist, wenn diese Gemeinde dich verweigert, ist es Jesus Christus persönlich, der dich verweigert. Et je le répète encore, dans une église vivante, si vraiment cette église te rejette, il faut savoir que Jésus-Christ est la tête et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même te rejette dans ce moment. You know, King Saul might even be thinking that it's between himself and Samuel. König Saul hat wahrscheinlich gedacht, es geht um ihn und Samuel, seine Beziehung zwischen ihm und dem Fleisch. Et le roi Saül a peut-être cru que c'était c'était entre lui et Samuel. Samuel might even be thinking that it's between himself and King Saul. Oder Samuel denkt vielleicht, es geht um ihn und König Saul, was er ihm angetan hat. Ou bien Samuel peut-être a cru que ça s'agit de lui et le roi Saül. And the Lord had to come in and say, how long will you mourn? Aber der Herr musste dazwischen kommen und ihn nochmal daran erinnern, dass wie lange willst du noch darum trauern? Ich habe ihn verworfen. Et le Seigneur devait intervenir et lui demander à Samuel, pour combien de temps encore tu veux être en deuil? Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 11. 1 Corinthians 11. Look at what Paul said. 1 Corinthians. Look at what Paulus hier sagt. Amen. 1 Corinthians. 11, verse 1. 11, verse 1. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1. It says, be ye followers of me, even as I also am of Christ. Amen. Amen. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Amen. Suivez donc mon exemple comme moi, de mon côté, je suis celui de Christ. This ministry is Christ himself. Diese Gemeinde ist Christus selbst. Cette église est Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Go to Galatians 6. Galater 6. On va lire Galates 6. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here is Christ because it is all about Christ for us. Diese Gemeinde ist Christus, weil es hier uns nur um Christus geht. Cette église est Jésus-Christ parce que dans cette église, ça s'agit seulement de Jésus-Christ pour nous. We hate religion. Wir hassen Religion. On déteste la religion. Jesus hates religion. Jesus hasst Religion. Et Jésus lui-même déteste la religion. Amen. Amen. In Galatians 6, from verse 1 to 5. Galater 6, 1 bis 5. Galates 6, de 1 jusqu'à 5. It says, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness. Consider yourself, lest thou also be tempted. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he said, you yourself that is correcting. If you are not correcting in Christ, it's not correcting in the flesh. Belehre in Christus, weil sonst wirst du selbst fallen. Weil wenn du dich vom Fleisch leiten lässt, mit dem Mitleid dieser Welt richtest, wirst du auch verurteilt sein. Et il dit aussi ici, si toi qui interviens, tu fais pas attention, si tu interviens pas en Jésus-Christ et dans la chair, toi-même tu seras capable à te laisser tenter. God forbid I fall. If I fall, I will not want you to fall with me. Gott vermeide, wenn ich fallen würde, würde ich nicht wollen, dass ihr mit mir fällt. Amen. Sans effet que si moi je tombe, je voudrais pas que toi aussi tu tombes. He said we are to be careful that we do not fall with those that fall. Es steht, wir sollen uns in Acht nehmen, dass wir nicht mit denen fallen, indem wir das Fleisch wählen. Il dit ici qu'on devait faire attention qu'on ne tombe pas avec ceux qui sont tombés et de ne pas choisir la chair. Verse 2. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Is somebody getting it? Mm. How do you bear one another's body? It is by choosing Christ. Wie trägst du die Lasten des anderen, indem du Christus wählst und nicht das Fleisch wählst? Et comment est-ce qu'on peut porter notre fardeur de l'un de les uns et les autres si par choisir Jésus-Christ? For if a man think himself to be something, We are nothing without Christ. Wir sind nichts ohne Jesus Christus. Verset 3, on n'est rien sans Jésus-Christ. Amen. When he is nothing, he deceived himself. Amen. We are nothing without Christ, but with Christ we are somebody. Wir sind niemand ohne Christus, aber mit Christus sind wir alles. On n'est rien avec Jésus-Christ, mais avec Jésus-Christ on est tout. But let everyone, every man prove his own work. And then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Prove your work if you have chosen Christ. Prüfe deine Werke, ob du Christus wählst. Examine tes œuvres si vraiment tu choisis Jésus-Christ. Amen. Are you choosing Christ? Wählst du Christus? Est-ce que tu choisis Jésus-Christ? Amen. Your correction is based on Christ. Beruht deine Belehrung auf Christus? Est-ce que quand tu corriges, est-ce que ça s'agit de Jésus-Christ? He said, for every man shall bear his own body. Jeder soll seine eigene Last tragen. Chacun devrait porter son sa croix. Praise the Lord. Alleluia. We just read where he said, correct one another in Christ. Wir haben auch gelesen, belehrt einander in Christus. Et on vient de lire qu'il a dit corrigez-vous les uns les autres en Christ. In everything we consider Jesus Christ. In allem as Hebrews 12. Berücksichtigen wir Jesus Christus. Amen. Dans tout, on considère Jésus-Christ. What would Jesus do? Was würde Jesus Christus tun? Qu'est-ce que Jésus-Christ allait faire? What decision will he take? Welche Entscheidung würde er treffen? Quelle décision il allait prendre? What decision will Paul take? Welche Entscheidung würde Paul treffen? Quelle décision Paul allait prendre? Amen. Amen. You know, Paul separated some people. Et même Paul a séparé certaines gens. When we saw that some were about to pollute the other, he had to separate them. Als er gesehen hat, dass einige die anderen verunreinigen, hat er sie getrennt voneinander. Quand il a vu que certaines a commencé à polluer les autres, il devait les séparer. Because a rotten apple cannot repair, you know, can repair nothing. It is going to spoil the other apple. Weil ein verschimmelter Apfel wird die anderen Äpfel im Korb nicht wieder frisch machen, sondern die anderen Äpfel eher mit anstecken und dann werden die anderen Äpfel auch verfault. Oder nie andersrum. Ein vergammelter Apfel wird nicht durch die frischen Äpfel wieder frisch, sondern eher dieser vergammelte Apfel sorgt dafür, dass die frischen Äpfel vergammelt sind. Une pomme abîmée va pas être capable si tu as un panier de pommes par exemple et tu as une pomme périmée à l'intérieur, c'est pas à travers les pommes qui sont encore fraîches que tu pourras que cette pomme qui est déjà périmée va redevenir une pomme fraîche. C'est plutôt l'inverse, c'est la pomme périmée qui va contaminer les autres pommes autour de soi. In fact, 1 Corinthians 4:16, it says, wherefore I beseech you, be ye followers of me. That's what Paul said. Be ye followers of me. Paulus he repented. He was once a killer. But now I repented. Are you getting seit meine Nachfolge. It? And now self, follow me. Donc, en premier, un Corinthien, Paul a dit qu'on devait être suivant. Qu'on doit le suivre. Qu'on doit le suivre. Même s'il a été une personne qui tuait les enfants de Dieu avant. Mais il a repenti et maintenant il est devenu un exemple pour les enfants de Dieu. Paulus war früher ein Mörder und er hat Buße getan und deswegen konnte er jetzt sagen, folgt mir, seid meine Nachahmer. He was once full of religion. Er war einst voll von Religion, full of Christ. Aber jetzt Amen. Ist er voll von Christus. Follow me. Und deswegen hat Because er gesagt, aufgrund dessen könnt ihr mir folgen, weil ich Christus folge. Il était plein de religion et maintenant il est plein de Jésus-Christ. Et pour cela, il était capable à dire, suivez-moi, pour comme exemple, comme je suis Jésus-Christ. In Philippians 3, he said, one thing I do is to now seek Christ, to continue to seek Christ and forget everything about religion. In Philippians 2, sagt er, one thing I do. Ich strecke mich nach vorne und schaue auf das, was Christus getan hat und schaue nicht mehr zurück. Et dans Philippiens, il dit même, il y a une seule chose que je fais, j'ai mon regard devant à Jésus-Christ et pas en derrière, dans les religions. Paul correct people in the spirit and not in the flesh. Paulus hat Leute im Geist belehrt, aber nicht im Fleisch. Et Paul a corrigé les gens dans l'esprit et pas dans la chair. How? By choosing Christ. Wie, indem er Christus gewählt hat. Et comment? Par choisir and Jesus not the Christ. Pity of this world. Und nicht das Mitleid dieser Welt. Et pas la pitié de ce monde. You know, he rebuked Peter. Er Paulus Paul was very hot. Verweigert. Petrus. Petrus verweigert, weil Petrus sehr temperamentvoll war. Il a rejeté Pierre. You know when Peter was, you know, his attitude was religious. Petrus attitude Benehmen. Was religious. Sein Benehmen war sehr religiös. Und dann hat Paulus ihn öffentlich zurechtgewiesen. Car l'attitude de Pierre était très impulsive. C'est pour cela Paul devait lui rejeter, bien le corriger. Praise the Lord. Halleluja. 1 Timotheus 5. 1 Timotheus 5. Vers 20. 1 Timothée 5, verset 20. Are we there, please? He said, them that sin, rebuke before all. You see it there. 1. Timotheus 5, Vers 20. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tout, afin que cela inspire de la crainte aux autres. Pardon. Are you getting it? Mm-hmm. Yeah. Them that say rebuke before all. It is not hidden, repent, you know, rebuking them secretly. You know, all that, you know, the pollution. Don't disgrace me. Don't disgrace them. You know, that is the pity of this world. You know, that pollution, you know, for something to be spoiled is so easy. To repair something is very difficult. Yeah. Unsere Belehrung soll öffentlich passieren, nicht hinter verschlossener Tür, damit Leute nicht beschämt werden oder Leute nicht entblößt werden, sondern öffentlich, damit es sich nicht verbreitet. Et cette correction, ça devrait être publié, pas en secret, pour que les autres aussi puissent être capables à apprendre. Weil es einfacher ist, etwas zu zerstören, als es wieder aufzubauen. Parce que c'est plus facile de détruire quelque chose que de reconstruire quelque chose. You know, if a building, if you want to destroy it, it's so easy. In my Gebäude zerstören wird, dynamite, or what do they use to destroy it? Sehr einfach. It's not just like a... Et si tu veux, si tu veux détruire un bâtiment, c'est très facile. I don't know if you get it. Es ist nur eine Frage von Sekunden. Building to be destroyed, very, no matter how high it is. Wie dieses Gebäude einfach einstürzt. Aber es wieder aufzubauen, es wieder zu errichten, das kostet Zeit. Et c'est très facile de détruire un bâtiment, ça peut se passer dans quelques secondes, mais de reconstruire un bâtiment, ça prend beaucoup de temps. Don't destroy what the Lord has built. Zerstöre nicht das, was der Herr errichtet hat. Ne détruis pas ce que le Seigneur a construit. Just a little thing. es hat ihn Zeit gekostet, es zu errichten. Zerstöre es nicht durch eine kleine Sache. Amen. Parce que ça, ça a pris du temps pour le Seigneur de construire et ne laisse pas que quelque chose petit détruise cet bâtiment. The pleasure of this world that is just nothing. Den, 5 minutes pleasure can just Genuss destroy everything. Dieser Welt, der so vergänglich ist, der so zeitlich so ist. Satan is so clever. 5 Minuten Genuss, die einfach alles zerstören können. Und deswegen ist der Satan so gerissen. Le plaisir de cet monde pour seulement quelques minutes qui a l'effet de détruire tout. Et c'est pour cela le Satan est vraiment rusé. Oui. Praise the Lord. Alléluia. You know, that is why First Peter. It's we go to First Corinthians, but first of all, let us go to First Peter. Première Pierre. 1 Petrus 5. 1 Petrus 5. 1 Pierre 5. First Peter 5. Verse 8. He said, be sober, be vigilant. Are you getting it? Mm. Be attentive. Nüchtern, know Satan's tricks. Soyez vigilant. Know how he wants to destroy you. Kenne die Listen des Satans, kenne seine Wege, wie er dich zerstören will. Connais le mensonge du diable, connais les stratégies du diable pour te détruire. Be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, as a roaring lion walking about, seeking whom he may devour. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Imagine, you know, for him to destroy something can just take a second. Er braucht nur eine Sekunde, um etwas zu zerstören. Le diable a seulement besoin d'une petite seconde pour détruire quelque chose. Was du jahrelang aufgebaut hast. Qu'est-ce que tu as construit pour beaucoup de temps, beaucoup des années? Verse 7 says, casting all your care upon him, for he cares for you. In 7 lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir sollen unseren Fokus auf Jesus Christus legen. Et dans verset 7, on lit qu'on devait charger tout notre souci sur le Seigneur, parce qu'il prend soin de nous. An idle mind is always the devil's workshop. Leere Gedanken sind immer das Spielfeld des Satans. Et avoir une pensée vide, ce sont toujours un endroit pour le Satan d'agir. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6 says, humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. In 6 lesen wir, dass wir uns demütigen sollen unter die gewaltige Hand Gottes, damit er uns zur rechten Zeit erhöht. Et dans verset 6, on lit que tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé. Keep on believing him. Glaubt ihm weiterhin. Continue à l'y croire. Amen. Amen. Amen. Keep on believing him. Glaubt ihm weiterhin. Continue à le croire. That suffering, you believe you are suffering for Jesus. Others Leid, are also suffering for him. Was du für Jesus erträgst. Andere sind in dem gleichen Leid. Et cette souffrance que tu es en train de traverser, tu es pas seul. Les autres enfants de Dieu aussi traversent la même souffrance. Moses had to suffer for the true God. Und das lesen wir in 9. Beispielsweise Mose musste für den wahrhaften Gott leiden. In Hebrew 11, par exemple, dans 9, on lit que même Moïse devait traverser cette souffrance. Amen. You are not suffering for Christ if you choose to disobey him. That's not suffering for Christ. Aber du leidest nicht für Christus, indem du dich weigerst, ihm zu gehorchen. Mais tu ne souffres pas pour Jésus-Christ si tu décides de désobéir Jésus-Christ. Amen. Amen. Suffering for Christ means you choose him. Für Christus zu leiden bedeutet, dass du Christus gewählt hast. De souffrir pour Jésus-Christ, cela veut dire que tu as choisi Jésus-Christ. It's not when you choose the flesh and the flesh, you know, and the flesh is dealing with you. Nicht du wählst das Fleisch und die Konsequenzen des Fleisches erleidest du jetzt, sondern sagst du, es ist das Leiden von Christus. Et ce n'est pas que tu choisis la chair et tu dois vivre avec les conséquences. Après, tu dis que c'est la souffrance de Jésus-Christ. Look at verse 9. So who resists steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. You're choosing him. There are others also that they are choosing him. Mm-hmm. Es gibt andere, die genauso wie er. He's talking about those two that chose, they are not those that are suffering. For stealing or for whatever. Il y a aussi les autres frères et sœurs qui ont choisi Jésus-Christ. Und es geht hier um die Leute, die leiden, weil sie ihn wählen, nicht die Leute, die leiden, weil sie das Fleisch wählen, weil sie in der Sünde leben. Et dans verset 9, ça s'agit des frères et sœurs qui ont choisi Jésus-Christ et pas des gens qui ont choisi la chair et vie dans la péché. Praise the Lord. In 1 Corinthians 5, from verse 12, he said, if we cannot even judge those that are with us, you know, we can talk, let's go there. 1 Corinthians 5. Amen. 1 Corinthians. He said, for what have I to do? 5 from verse 12. 12 to the end. 1 Corinthians 5 à partir du verset 12. 1 Corinthians 5, verse 12. For what have I to do? To judge them also that are without. Do not you judge them that are within? But them that are without, God judgeth. Therefore, put away from among yourself that wicked person. 1. Korinther 5, 12. Denn was gehen mich auch die an, die außerhalb der Gemeinde sind, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, welche drin sind? 13. Die aber außerhalb sind, richtet Gott. So tut den Bösen aus eurer Mitte hinweg. 1 Corinthiens 5, 12. Et est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu? Certes non, mais c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. C'est du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le méchant du milieu de vous. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 5, verse 9. A little leaven. Leaven is so long. In Galatians 5, verse 9, lesen wir, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Et dans Galates 5, verset 9, on lit qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. That's why you don't open the door for Satan at all. Deswegen öffnest du dem Teufel nicht die Tür. C'est pour cela tu n'ouvres pas le diable la porte. Amen. Amen. He said a rotten apple will destroy the rest apple. Ein vergammelter, ein verschimmelter Apfel wird die anderen, wird den ganzen Korb zerstören. Une pomme qui est pourrie va être capable à contaminer tous les autres pommes qui sont encore fraîches. Remember, Lucifer was sent out of heaven. Lucifer wurde aus dem Himmel verbannt wegen seiner Verunreinigung. Et rappelez-vous que Lucifer a été chassé du ciel à cause de sa pollution. If not, he could have others could have been polluted like him. Sonst wären noch mehr mit ihm verunreinigt worden und deswegen musste er ausgesondert werden. Il était chassé du ciel parce que à travers lui les autres aussi sera pollué. The Lord does not want us to live the life of Goma. Der Herr will nicht, dass wir das Leben von Goma leben. Hosea und Goma. Goma. That of Hosea. That is not the life he wants us to live. That we go back in one. You understand me? That is not the life. Et si on connaît l'histoire dans l'Ancien Testament de Hosea et sa femme Goma, on devait comprendre que le Seigneur ne veut pas qu'on vit cette façon de vie, de venir, d'aller, de retourner. In Hosea lesen wir, dass Hosea eine Prostituierte geheiratet hat und diese Frau hieß Goma. Und der Herr will nicht, dass wir genauso wie Goma immer wieder zurück zu unserem Erbrochenen gehen, immer wieder zurückgehen zu unseren Liebhabern. Amen. That should not be our lifestyle. Das sollte nicht unsere Lebenseinstellung sein. Ça devait pas être notre style de vivre. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Don't become a vessel for Satan. Werde kein Gefäß des Satans. Ne deviens pas une vase pour le diable. From one fornication to another. Von einer Unzucht in die anderen. Fornication de l'autre fornication. That the Lord is there to save you does not mean you will be safe at the end. Dass der Herr da ist, dich zu retten, heißt nicht, dass du errettet bist am Ende. Juste parce que le Seigneur est là au début de te sauver, cela ne veut pas dire que tu seras sauvé à la fin. You choose to be safe. Du wählst Errettung. C'est toi qui choisis d'être sauvé. That is always there to save you does not mean you will not go to hell. Dass er immer da ist, um dich zu retten. I don't know. You know those all the people in hell today. The Lord was also there to save them. But the rejection. Amen. Amen. They keep on rejecting him and forsaking him. Du musst Errettung wählen. Dass der Herr errettet, heißt nicht, dass du errettet bist. Die Leute, die in der Hölle waren, Jesus war der gleiche für diese Leute, wie er für uns war. Er wollte sie auch retten, aber sie haben diese Errettung nicht angenommen. Und deswegen sind sie verloren gegangen. C'est toi de faire la choix d'être sauvé. Juste parce que le Seigneur te sauve, cela ne veut pas dire que tu vas pas aller en enfer, parce que les gens qui sont maintenant en enfer, le Seigneur a toujours essayé de le sauver. He was once there for Lucifer. Er war einst da für Lucifer. Il était là pour Lucifer. The Lord was once there for Lucifer. They were one family. Le Seigneur était là pour Lucifer. Sie waren eine Familie im Himmel. Amen. Ils étaient au ciel. Lucifer was so close to him. Lucifer war so nah. Lucifer était tellement proche au Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. And for somebody like that to fall. So jemand fällt. Et quelqu'un comme lui qui est tombé. You know, God has feelings. Gott hat Gefühle. Le Seigneur a des sentiments. That's why he said, don't grieve the Holy Spirit. Deswegen sagt er auch, betrübt nicht den Heiligen Geist. C'est pour cela, il dit, de ne pas attrister le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit is a person. Weil der Heilige Geist ist eine Person. You can't grieve him. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Du kannst ihn traurig machen. Tu peux le faire triste. Amen. In so many things we choose to do, it is a grief. In vielen Entscheidungen und Taten machen wir ihn traurig. Et dans beaucoup de notre décision ou bien notre action, on le fait triste. Like Jesus cried over Jerusalem. Genauso wie Jesus like Jerusalem is you. Jerusalem geweint hat. Jerusalem bist du. Et la même chose comme quand Jésus a pleuré de Jérusalem, et cette Jérusalem, c'est toi aujourd'hui. He was one there for Lucifer, but Lucifer was cast out. Gott war eins da für Lucifer, aber Lucifer wurde verbannt. Il était là au début pour Lucifer, mais Lucifer a été chassé. Amen. Go to Matthew 23. Matthäus 23. Matthieu. Praise the Lord. Please hate evil. Hasse das Böse. S'il te plaît, détester le mauvais. Hate to ignore Christ. Hate to reject him. Jesus zu verweigern. Hate to forsake him. Hasse es, ihn zu verweigern. Déteste d'ignorer Jésus-Christ. Déteste de rejeter Jésus-Christ. Hasse es in Wort und Tat. Déteste cela dans tes paroles et dans tes actes. Amen. Amen. 23. Matthew 23 from verse 37 to 39. Matthäus 23 von 37 bis 39. Matthieu 23, de verset 37 jusqu'à 39. Amen. Amen. Are we there, please? Mm-hmm. He said, oh, Jerusalem, Jerusalem, thou that killed the prophets and stoned them which are sent unto thee. How often would I have gathered your children together, even as a hen gathered her chickens under her wings, and you would not. How many times the Holy Spirit has been there for you? Always there for you. Combien de fois le Saint-Esprit était là pour toi? Combien de fois il a essayé d'être là pour toi, mais tu lui as rejeté? You know, they made Jesus cry. They bring Jesus to weinen. Ils ont fait Jésus-Christ à pleurer. Amen. Amen. So also, people, the synagogue is supposed to be God's children. Die sogenannten Kinder Gottes, the Holy Ghost cry. Sie bringen den Heiligen Geist zum Weinen. Comme tel qui s'appelle les enfants de Dieu, qui amène le Saint-Esprit à être triste. He rejoices over your decision. He also cries over your decision. Er freut sich über unsere Entscheidung, aber er weint auch über unsere Entscheidung. L'Éternel, il a la joie dans notre choix, mais là aussi triste de certains choix qu'on fait. He cries over you. Er weint um dich. Il pleure, pleure pour toi. You are the Jerusalem. Jesus cried over. Du bist das Jerusalem, das. How oft have I gathered you? I want to save you. I want to be there for you. Jérusalem que Jésus a pleuré, c'est toi aujourd'hui. Those of you that refuse to repent. Die von uns, die sich weigern, Buße zu tun, refuse à repentir. There's different between before you know the truth and after you now know the truth. Es gibt einen Unterschied vor der Wahrheit, vor der Erleuchtung und nach der Erleuchtung, nach der Wahrheit. Il y a une différence entre l'état où tu n'avais pas la connaissance de la vérité et l'état après d'avoir la connaissance de la vérité. You know, before you know the truth, it's forgive them for they don't know what they do. Before but after you know the truth, before, we go to Hebrew 10. Sie die Wahrheit kennen, ist es vergeben ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber nachdem sie die Wahrheit kennen, ist es eine bewusste Entscheidung gegen den Heiligen Geist. Avant que tu puisses connaître la vérité, c'était Seigneur, pardonne-le car il ne sache pas ce qu'il fait. Mais maintenant que tu as reçu la vérité, c'est quelque chose d'autre. You know, there's no small sin. Small sin. You people start from small and now it now become big. Und es gibt keine kleinen Sünden, weil etwas fängt immer klein an. Deswegen sollst du, you nicht. Go from kissing, you go to from there, you go to touching breast, you go to touching pupu, go to touching. You land yourself in where you don't even want to go to. It's from one, from a little. Und deswegen sollst du nicht an der Grenze entlang tanzen und sagen, Hauptsache, ich bin noch nicht rübergefallen. Du sollst nicht anfangen mit kleinen Dingen, weil diese kleinen Dinge werden in den großen Dingen ausarten. Weil der Teufel ist ja auch da, um dann nachzuschubsen, nachzuhelfen. C'est pour cela, il n'y a pas un petit péché ou bien l'autre péché qui est plus grand ou bien plus petit que l'autre, parce que tout commence de petit à petit, jusqu'à quand ça va exploser, ça va être une quelque chose de grand. C'est pour cela, il faut déjà commencer au début de détester ses péchés. Please, this message is for everybody. Diese Botschaft geht für uns alle. Amen. Cet message, c'est pour nous tous. Amen. Amen. It's for everybody. It's like the Old Testament. It's still there for us today. Genau wie das Alte Testament. Es ist immer noch da, damit wir davon lernen. C'est comme l'Ancien Testament. C'est toujours encore là pour nous, pour qu'on puisse apprendre. Amen. The Lord wants us to learn through His own word and not through one another. When we fall, then we are not learning from others. Der Herr will, dass wir von seinem Wort lernen it's not coming und from nicht Jesus. Von den Fehlern, die wir untereinander tun und miteinander tun. Et le Seigneur veut qu'on puisse apprendre par sa parole et pas de choses mauvaises ou bien de notre chute qu'on fait à travers les uns et les autres. Hebrew 10, from verse 28. Hebrew 10, 28. Hebrew 10, 28. You know, people always see grace as lenient. They see grace as lenient. What do you call lenient? That's something that's so simple. So simple that, you know, if I do it, God will forgive me. It doesn't matter. He has forgiven me even the sin I'm going to commit next year. They see grace as lenient. Leute sehen die Gnade als etwas Einfaches an. Les gens voient la grâce comme quelque chose de facile, bien simple. Take it for granted. Yeah. Ils prennent ça pour comment on dit quelque chose naturellement. D'évident, ouais. Oui, d'évident. Grace is actually tougher than love. Aber die Gnade ist viel stricter als das Gesetz. Mais la grâce est normalement plus stricte que la loi. And that's why to have, you know, to live under grace is pure Christ. Dass wir unter der Gnade zu leben, kannst du nur mit Christus. So Et c'est pour cela que tu es seulement capable à vivre dans la grâce seulement avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ. You know, religion today, they believe that grace lead people to sin because they are forgiven. Actually, grace, you know, Jesus said, if you even think of it in your heart, you have done it. I don't even know what to use. Leute denken, dass die Gnade viel einfacher ist oder dazu sorgt, dass Leute in die Sünde gehen. Aber es ist eigentlich viel strikter als das Gesetz, weil die Gnade sagt, dass selbst wenn du schon eine Frau angeguckt hast, hast du mit ihr Unzucht begangen. Et les gens religieux disent que la grâce permet les gens à pécher, mais si on regarde vraiment, la grâce est plus stricte parce que Jésus a dit que déjà quand tu dans ta pensée, tu penses à quelque chose de mauvais, t'as déjà, tu t'es déjà mis contre la loi. Look at that. Let us read from verse 26. The people from verse 26. Amen. Amen. He said, for if we sin willfully, are you getting, are you there, please? If you sin willfully, wenn du bewusst sündigst, et si tu pêches concernant, are you getting it? After that, we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. I don't know if you get it. Yeah. Amen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Don't get it. Praise the Lord. Verse 27 said, but a certain fearful looking for the judgment and fiery indignation, we shall devour the adversary. Verse 28. He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Verse 29. Of how much so punishment suppose ye shall be taught what who had trodden underfoot the Son of God and had counted the blood of the covenant, the blood of the covenant. Das Blut des Bündnisses. Amen. Le sang de l'alliance. Wherewith he was sanctified an unholy thing, and had done despite unto the spirit of grace. Praise the Lord. Hallelujah. The blood of covenant. Yet, that's why fornication is very dangerous. Und deswegen ist Unzucht gefährlich, weil es geht um Blut, was geteilt wird. C'est pour cela la fornication est très dangereuse parce que c'est c'est le sang, parce que le sang joue une très grande rôle. Praise the Lord. Amen. There are sin that leads to death. There are sin that, you know, il y a certains péchés qui amènent à la mort. Certains péchés qu'on devait fuir. Amen. He said, run away from me, like Joseph. Fuis de cette péché. Joseph had to run for that woman, for his dear life. Amen. Comme Joseph qui devait fuir de la femme de Potiphar. Praise the Lord. Hallelujah. For the Lord, you know. Praise the Lord. Hallelujah. Submit everything to Christ. Übergebe alles bitte Christus. Whatever is in your life. Jésus-Christ. Submit it. Was immer in deinem Leben ist. Tout ce qui est dans ta vie. Whatever you refuse to submit to him will take you away from him. Weil was immer du ihm übergibst, wird dein Fall sein, dein Untergang sein. Parce que tout ce que tu refuses à donner Jésus-Christ, ça sera ta mort. Verse 30. Let us read verse 30 of Hebrews 10. Verset 30. He said, for we know him that hath said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, said the Lord. Amen. Amen. And again, the Lord shall judge his people, his so-called people, Es geht um der Herr wird sein Volk richten. Es geht um dich und den Herrn. Le Seigneur jugera son peuple. Ça s'agit des toi et le Seigneur. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Praise the Lord. Hallelujah. It is a fearful thing to fall into the hand of the living God. Des lebendigen Gottes zu fallen. Verset 31. Il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Grace is a spirit. Gnade ist ein Geist. La grâce est un esprit. It does not lead us to sin. Er führt uns nicht in die Sünde. Ça ne n'amène pas à pécher. Grace is Christ's spirit. Gnade ist der Geist von Christus. La grâce est l'esprit de Jésus. It is the spirit of love. Es ist der the Geist love of Christ der Liebe, for us is der Liebe von Christus, Liebe, die er für uns hat. C'est c'est s'agit de l'amour de Jésus-Christ qu'il a pour nous. We will not continue to slap Jesus for loving you. Wir werden Jesus nicht immer wieder ins Gesicht schlagen, weil er uns liebt. On va plus continuer à frapper Jésus-Christ de donner des gifles parce que il est mort pour nous. Amen. Il s'est sacrifié pour That's nous. Verse 29 of Hebrews 10. Amen. 29. Amen. Amen. Then it's also there, that very place, that verse 29 also talk about the covenant blood. In 29 geht es auch um dieses Blut des Bundes. Et verset 29 parle aussi du sang de l'alliance. We have covenant with Christ. Wir haben ein Bündnis mit Jesus Christus. On a une alliance avec Jésus Christ. Wegen dem Blut, was für uns verschüttet wurde. À cause du sang. Covenant has a lot to do with blood. Ein Bündnis basiert oft immer auf Blut. Une alliance s'appuie toujours sur le sang. That is why fornication is very, very dangerous. Deswegen ist Unzucht both spiritual, sehr physical. Gefährlich, physisch und auch geistlich sehr gefährlich. C'est pour cela la fornication est très dangereuse dans l'esprit et dans la chair. It is a covenant sin. Es ist eine Sünde, die in einem Bündnis passiert. Car c'est un péché qui a pris place dans une alliance. Praise the Lord. Alléluia. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. From verse 12. 12. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. From verse 12, please. 12. 1 Corinthiens 6, from verse 12. Amen. You know, those that believe, they are free for themselves. Die Menschen, die glauben, dass sie frei sind, so zu leben, wie sie möchten. Les gens qui croient qu'ils sont libres de vivre comme ils veulent. Amen. He said, all things are lawful unto me, but all things are not expended. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Amen. 1. Korinther 6,12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ja, ich muss wieder übersetzen, warte. 1. Korinther 6, verset 12. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Amen. Praise the Lord. Amen. It's a meat for the belly and the belly for meat. But God shall destroy both it and them. Now, the body is not for fornication. The Holy Ghost lives in your body. And that body is no longer your property. Der Heilige Geist lebt in deinem Körper. Dieser Körper gehört nicht mehr dir. Er wurde erkauft. Le Saint-Esprit vit dans ton corps et cette corps n'appartient pas de toi-même. He bought that body with a price. Er hat diesen Körper mit einem Preis bezahlt. Il a acheté cet corps avec un grand prix. If you really believe that your body is the temple of Jesus Christ, before you do anything, you ask him. Wenn du wirklich glaubst, dass dein Körper der Tempel des Heiligen Geistes, dann wirst du ihn fragen, bevor du mit diesem Tempel irgendwas anstellst. Si vraiment tu crois que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu vas toujours demander le Saint-Esprit la permission de faire quelque chose avec cette corps parce que tu crois que c'est, ça appartient à lui. Mais si tu ne crois pas, tu vas faire ce que tu veux avec le corps. You still believe that that body is yours. It is Christ. It belongs to Jesus. Aber du glaubst immer noch, dass dieser Körper dir gehört. Er gehört aber Jesus Christus. Et tu crois toujours encore que cette corps appartient de toi ou bien c'est à toi. C'est pour cela que tu es capable à faire la fornication. Praise the Lord. Amen. He said, now the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Amen. Ah, Daddy. Amen. Amen. You allow your body to be for the Lord. Du lässt zu, dass dein Körper für den Herrn ist. You submit your body to him. C'est toi qui permets que ton corps appartient au Seigneur. Your body should not be the one controlling dein you. Körper you. Sollte it's Christ in you that is bigger than that body. Amen. Dich kontrollieren, sondern Christus größer als dein dein Herz, aber auch größer als dein Körper. Ton corps ne devait pas être capable à te contrôler car Jésus-Christ qui est en loi et qui en toi est plus puissant que ton corps. C'est lui qui devait être au contrôle de ton corps. And God, you know, if... Praise the Lord. Amen. And God, verse 14, and God have both raised up the Lord and we also raised up us by his own power. Verse 15. Know you know that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. He said, God forbid. Das sei ferne. That should be your answer, God forbid. Das sollte deine Antwort sein auf Unzucht. Ça devait être ta réponse sur la fornication, sûrement pas. Praise the Lord. Hallelujah. That's why maturity is very important, to be matured in Christ. Deswegen ist Reife in Christus sehr wichtig. C'est pour cela la maturité en Christ c'est très important. What know ye not? Look at verse 16. Verse 16. That he which is joined to an harlot is one body. Amen. Amen. For two said he shall be one flesh. Two of you, you know, if you sex outside Christ, you are having sex with Satan and not man. Geschlechtsverkehr außerhalb von Christus oder Ehe? Außerhalb, außerhalb der Ehe. Ja, okay. Außerhalb von marriage. Außerhalb von der Ehe, dann schläfst du mit dem it's Teufel. It's not man, you are sleeping with Satan. De coucher avec that's quelqu'un en dehors du mariage. Veut dire que tu es intime avec le diable parce que tu couches ou bien tu as le sexe avec quelqu'un dans le principe du Seigneur dans le mariage. Verse 16 again. What know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two said he shall be one flesh. Verse 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen. Do you see it? Mm. It's either Christ or spirit. There's no number three. Mm. Entweder ist Christus oder Geist. Das ist kein dritter Part. Ou bien c'est Jésus-Christ, ou bien c'est un esprit. Il n'y a pas une troisième partie. Then he said, flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinned against his own body. Amen. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. C'est pourquoi fuyez l'inquiétude sexuelle. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas son corps. Mais celui qui se livre à l'inquiétude péche contre son propre corps. Verse 19. What know ye not? That your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pray to hate what he hates and love what he loves. Bete, dass du hast, was er hast, und das zu lieben, was er liebt. Amen. Apprends à prier de détester ce que le Seigneur déteste et d'aimer ce que le Seigneur aime. Sexual sin is spiritual. Sexuelle Sünde ist geistlich. Le péché sexuel, c'est spirituel. The Lord compare it here to your salvation. Vergleicht das hier mit deiner Errettung. Le Seigneur compare ça ici avec ton salut. Verse 17. Esther, can you help us to read verse 17? Verset 17. 1. Korinther 6, 17. Ja. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Amen. That is what he compare your sleeping. You can see if you sleep with, if you are one with Christ, you are Christ. You get it. If you are one with Satan, if you sleep with a person, it's no longer man. It's not just a man. It's, there's a spiritual, there's a satanic power involved. This what I'm saying. There is a difference between before you know the truth and now you now know the truth. Mm-hmm. Und in 16 und 17 sehen wir durch diese Gegenüberstellung, dass er das gleichsetzt, dass genauso wie wir ein Geist sein können mit dem Herrn, wenn wir ihn anhängen, können wir ein Geist sein mit dem Satan, wenn wir ihm anhängen durch die Unzucht. Und es gibt einen Unterschied zwischen bevor der Erkenntnis, genau. Also bevor du die erkennst und danach. Et ici dans verset 16 et 17, on voit que le Seigneur est en train de comparer. Que si tu t'es uni, si tu as le rapport sexuel dans le mariage, tu t'es uni avec le Seigneur. Et c'est la même chose avec notre salut, qu'on s'est uni avec le Seigneur, on est un avec le Seigneur. Mais si tu as le rapport sexuel en dehors du mariage, c'est spirituel. Et comme ce n'est pas de Jésus-Christ, comme ce n'est pas dans le Seigneur, c'est avec le diable. Et ce que ils sont en train d'expliquer, c'est aussi important de savoir que, de comprendre qu'avoir avant que tu étais né de nouveau la connaissance et après maintenant que tu es né de nouveau et que tu connais la vérité. I could have long preached this. I always think of it that you're supposed to know it. Amen. That a sex outside marriage is a sex with Satan. Don't stop having sex with Satan. Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ist Geschlechtsverkehr mit dem Satan. Und deswegen sollen wir aufhören, diesen Akt mit dem Satan zu vollziehen. Ich wollte das schon vorher bringen, aber ich habe angenommen, dass das für euch klar ist, weil ich die geistlichen Auswirkungen diese Unzucht hat für euch. Il faut savoir que d'avoir le sexe en dehors du mariage, c'est avoir le sexe avec le diable. Et c'est pour cela qu'il faut arrêter de suivre ou bien de faire ce péché d'avoir sexe en dehors des mariages. Et j'avais le souhait de prêcher ça déjà avant, mais je pensais que j'ai cru que vous avez déjà la maturité dans ce sujet. He compare it to your salvation. Just like Errettung. Il compare ça avec ton salut. Amen. Just like salvation is of the spirit. So also fornication is against your spirit. Genau it's of the wie, spirit. It's against you. Die Errettung für dein Geist ist Unzucht gegen dein Geist. La même chose comme le salut est pour ton esprit, la fornication est contre ton esprit. It is sin against your blood. Your blood means life. Mm-hmm. Once it comes to Bible. Es ist eine Sünde gegen dein Blut und das Blut im Blut ist Leben. C'est un péché contre le sang. Ici on parle de sang dans la Bible, ça parle de ta vie. Amen. It is a blood sin. Let's go to Leviticus 17. Dritter Mose. Levitique. Leviticus 17. Let me see where to read here. Leviticus 17. Mm-hmm. First of all, verse 11. 17:11. He said, for the life. 3. Mose 17:11. Are we there, please? Yeah. He said, for the life of the flesh is in the body. Are you there, please? Denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Car le sang, c'est la vie de toute créateur. There is nothing like life without the blood and without the body. Es gibt kein Leben außerhalb des Blutes und außerhalb des Körpers. Il n'y a pas de vie en dehors, de vie sans le sang. Il n'y a pas de vie sans le sang. Are you there, please? It's like for the life of the flesh is in the blood. Car le sang de la vie, c'est dans le toute créature. Once the Bible talk about blood, it's talking about life. Wenn die Bibel über Blut spricht, geht es um das Leben. Quand la Bible parle de sang, elle parle de vie. And once it's talking about life, it's talking about the blood. Wenn es um das Leben geht, geht es um Blut. Et quand la Bible parle de la vie, il s'agit du sang. There's nothing like life without the blood. Es gibt kein Leben ohne das Blut. Car il n'a pas la vie sans le sang. He said, for the life of the flesh is in the blood. And I have given it to you upon the altar to make an atonement. You know, here Jesus was even talking about his death for us. Et ici, dans cette verset, le Seigneur, ou bien Jésus, parle déjà de son sacrifice pour nous. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Look at from verse 10. Let's read it from verse 10 now. Verset 10. Whosoever man there be of the house of Israel, or of the stranger that sojourn among you, that eateth any man's manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Praise the Lord. Look at verse 12. Let's read from verse 12 to 14. Jusqu'à 14. He said, therefore I said unto the children of Israel, no soul of you shall eat blood. The children of Israel, it's not the children of Israel naturally. Die Kinder Israels, nicht die natürlichen Kinder Israels. Amen. Les enfants d'Israël ne sont pas les enfants d'Israël. That was just a photocopy. Die Nature. A copy of the original coming. Das war ein Schatten von dem, was kommen wird. It. Amen. Ici, il parlait des vrais enfants d'Israël qui vont encore venir dans la future. He said, neither shall any stranger that sojourne among you eat blood. How? Whatsoever man there be of the children of Israel or of the strangers that sojourn among you, which hurteth and catcheth any beast or fowl that may be eaten, he shall even pour out the blood thereof and cover it with dust. For it is the life of all flesh, the blood. Of it is for the life thereof. Therefore, I said unto the children of Israel, you shall eat the blood of no manner of flesh. For the life of all flesh is in the blood thereof. Whosoever eateth it shall be cut off. Praise the Lord. Hallelujah. I will leave there. Amen. Amen. Sin against your body. There is no body without blood. It is a sin against your blood. Die Sünde gegen deinen Körper ist die Sünde gegen dein Blut. Denn es gibt niemanden, der ohne Körper ist oder ohne Blut. le péché contre ton corps et le péché contre ton sang, car il n'a pas la vie sans le sang. And there is no blood without life. Es gibt kein Blut ohne Leben. Mm-hmm. Amen. Amen. And you know who is your life? Wer ist dein Leben? Qui est ta vie? Christ. Christus ist dein Leben. Jésus-Christ est ta vie. Say Christ is your life. Christus ist dein Leben. Jésus-Christ est ta vie. It means sin. That sin is against him personally. Das heißt, die Sünde ist gegen ihn. I don't know if you are getting it. C'est pour cela, cela veut dire que cette péché est directement contre Jésus-Christ. Through Christ's blood, we have covenant with him. Durch das Blut von Jesus Christus haben wir ein Bündnis mit ihm. À travers du sang de Jésus Christ, on a une alliance avec lui. And sleeping with people outside marriage is, you know, it is having covenant with Satan. Und mit Leuten zu schlafen außerhalb der Ehe, damit machen wir verschiedene Bündnisse mit dem Satan. Et de coucher ou bien d'avoir le rapport sexuel en dehors du mariage, ça veut dire qu'on a l'alliance avec le Satan. Remember, there are only two powers controlling everything here. It's no man. No man has nothing to do with it. Christ or Satan. Entweder Christus oder Satan. Jésus-Christ ou bien le diable. And there are only two different types of blood. Es gibt nur zwei verschiedene Arten von Blut. Il y a seulement deux sortes du sang. Christ's blood or Satan's blood. The das natural blood is not Christ's blood. Satanic blood. Das natürliche Blut. It is flesh and blood. And that's why it is Satan's property. Satan uses it for sacrifice. That's why you better allow your blood to be the blood that Satan cannot use for any sacrifice. Amen. That's Christ's blood. Amen. Das natürliche Blut ist das Blut des Satans. Deswegen kann er Satan es benutzen für seine Rituale und für seine Machenschaften. Deswegen müssen wir zulassen, dass unser Blut das Blut von Christus wird, damit es für den Teufel unantastbar ist. Il y a deux, comme je viens de dire, il y a deux sortes de sang. Un de Jésus-Christ et le sang naturel, c'est le sang du Satan. C'est pour cela que le Satan a le pouvoir aujourd'hui d'utiliser beaucoup de sang de la chair ou bien naturel pour faire des rituels ou bien pour manifester son pouvoir. C'est pour cela qu'on doit faire attention et regarder que notre sang appartient de Jésus-Christ. Do you know how you are conscious of Christ's blood? That you have Christ's blood in your blood. Weißt du, wie du dir bewusst wirst, dass du das Blut von Jesus Christus in deinen Adern hast? Est-ce que tu sais comment tu peux être conscience de savoir que le sang de Jésus-Christ est en toi? The natural means nothing to you any longer. Indem das natürliche nichts mehr bedeutet. The natural parents. C'est quand quand la c'est quand la take decision based on them. C'est quand decision based on Christ. Amen. C'est quand les choses naturelles c'est ça a plus de valeur pour toi. Plus d'importance. Indem du nur noch das erachtest, was Jesus Christus erachtet, das wertschätzt, was Christus wertschätzt und demnach das Fleisch, die fleischliche Familie, die fleischlichen Errungenschaften nicht mehr erachtest. Oui, et que tu vois que tout ce qui est important pour toi, c'est tout ce que de Jésus-Christ et pas la chair, que ce soit la famille ou bien des choses du monde. Remember when they were looking for Jesus. Jesus said, "We have another blood." Erinnert euch, als sie nach Jesus gesucht haben und Jesus gesagt hat, the mother was looking for Jesus. He said, no, my blood is another blood. Ich habe ein anderes Blut. Amen. Amen. Amen. You better know that. Rappelez-vous quand Jésus-Christ, quand les disciples ont cherché Jésus-Christ parce que sa famille naturelle était là et Jésus-Christ a répondu, j'ai un autre sang. Mon sang appartient aux enfants de Dieu qui se laissent diriger par le Seigneur. You consider Christ in everything. Amen. Tu erachtest Christus in allem. Tu dois considérer Jésus-Christ dans tout. Satan's blood is through man, is through animal. That's how Satan has his own blood. Der Teufel erholt sein Blut durch Menschen oder durch Tiere. Le diable, il arrache ou bien il prend son sang à travers des hommes ou bien des animaux. Satan calls man's blood water. Der Satan nennt das Blut der Menschen Wasser. Le Satan appelle, oui, il considère le sang des hommes comme de l'eau. Für ihn ist es einfach nur Wasser, deswegen badet er darin wahrscheinlich. C'est pour cela, pour lui c'est, bon, c'est facile à prendre ou bien arracher ses sangs à travers des hommes ou bien des animaux. Christ's blood is God's blood. Aber das Blut von Christus ist Gottes Blut. Mais le sang de Jésus-Christ est le sang du Seigneur. Our blood, they are all polluted, except Christ's blood. Amen. Jedes Blut ist verunreinigt, außer das Blut von Jesus Christus. Chaque sang est pollué, sauf lui de Jésus-Christ. We don't have man's blood, but Christ's blood. Amen. Wir haben nicht das Blut von Menschen, das Blut von Christus. On n'a pas le sang des hommes, on a le sang de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The Bible talk about end time. Die Bibel spricht über die Endzeit. La Bible parle de fin du monde. Go to 2 Timothy. 2 Timothy. Oh, praise the Lord. Alleluia. Go to 2 Timothy 4. 2 Timothy 4. 2 Timothée 4. He said from 1 to 5. 1-5. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Verse 2. Verset 2. Preach the word. The instant is season, out of season. Reprove, rebuke. You see there. Mm-hmm. Reprove, rebuke. Exhort with all long suffering and doctrine. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. There are two kinds of doctrine also. Christ has his own doctrine. Christus hat seine Lehre. Amen. And this world they have their doctrine. Diese Welt hat ihre Lehre. Jésus-Christ a sa doctrine. Sa doctrine. Sa doctrine et le monde a sa doctrine. Amen. Verse 3, it says, for the time will come. Verset 3. When they will not endure sound doctrine, but after their own lust, shall they heap to themselves teachers, having itching ears. Praise the Lord. They go from church to church. Sie wandern von Gemeinde zu Gemeinde. Du pars des églises et l'église. Amen. Amen. Until they get a place where you know they can satisfy their lust. Bis sie an einen Ort kommen, wo sie ihre Lust befriedigen können. Jusque quand ils vont arriver dans une église qui satisfait leur chair. Who can join them in their lust? Who Wer can be there for them in their lust? Kann in ihrer Lust? Who can be there for them? Porte leur désir. He said, they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Are you getting it? Amen. Amen. They turn away their ears from the truth. Sie werden sich von der Wahrheit abwenden und sich Legenden zuwenden. Ils vont se détourner de la vérité. Ils vont se, oui, se donner des doctrines mauvaises. No, Jesus can say whatever he wants to say. I have chosen what I want to choose. Jesus kann sagen, was er will. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jésus peut dire ce qu'il veut, mais moi, j'ai déjà fait mon choix. But watch thou in all things, endure afflictions. 5. Do the work of evangelists. Make full proof of the ministry. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. They are looking for, you know, for church that will preach what they love to hear. Sie suchen nach einer Gemeinde, die das lernen wird, was sie hören möchten. Ils cherchent une église qui va prêcher ce qu'ils veulent entendre. You know, Christ has his own doctrine. Christ hat seine eigene Lehre. Mais Jésus-Christ, il a sa propre doctrine. C'est ce qu'on est en train de prêcher ici. From the 1 Timothy 4, verse 13. 1 Timothée 4. Look at verse chapter 1 Timothée. Mm-hmm. Okay. 4. Let me see. Am I in the right place? Let me see. 1 Timothée aussi. Jetzt. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Timothy, yeah, it's true. 1 Timothy, yes, 2 Timothy. Now 1 Timothy 4. 1. Timotheus 4. 1. Timothée 4. Vers 13. Verset 13. He said, till I come, give attention to reading. Attendance to reading. And to exhortation, to doctrine. Christ's doctrine. Die Lehre von Christus. L'enseignement de Jésus-Christ. Then verse 14. 14. He said, neglect not the gift that is in thee. Don't neglect, don't. Your salvation is very, very important. Deine Errettung ist sehr wichtig. Ton salut est très important. Neglect it not. Your relationship with Christ is so important. It's more important than everything. Amen. Don't sell it for, you know, Joseph sold. Sold something for, you know, just a porridge for birthright. Joseph hat sein... You did not Jacob. Esau and Jacob. No. Yeah, it's Esau. Yeah, Esau sold... His birthright for a pot of porridge. Esau hat sein Geburtsrecht wegen einem Eintopf vergeben, verkauft, wegen seinem Hunger. Hunger of the flesh. Ta relation avec Jésus-Christ est très importante. Ne néglige pas ta relation avec Jésus-Christ pour quelque chose du petit, comme Esaü a vendu sa... son droit du sang, donc son héritage, son on peut héritage, dire. Neglect not pour, the gift that is in thee. Pour la soupe. Amen. Which was given thee by prophecy with the laying on of the hands of the priest's vestry. Amen. Praise the Lord. Alleluia. The laying of hands. Amen. Handauflegung. Imposer le main. Don't neglect your salvation. Vernachlässige. Genau, vernachlässige nicht deine Errettung. Amen. Néglige pas ton salut. Don't neglect the truth. Vernachlässige nicht die Wahrheit. Néglige pas la vérité. Your salvation is more important than everything. Deine Errettung ist wichtiger als alles andere. Don't sell it for a pot of porridge. Kaufe sie nicht. Wegen einem Eintopf, wegen einer fleischigen Begierde. Ton salut est très important et ne le vend pas pour un pot ou bien pour c'est quoi, pour une potage, pour une potage, oui. Salvation is a gift. Errettung ist ein Geschenk, eine Gabe. La salut est un don. You see, he said, neglect not the gift. Do you see it? Your salvation is a gift. Deine Errettung ist eine Gabe. Ton salut est un don. Baptism of the Holy Ghost is also a gift. Die Taufe des Heiligen Geistes ist auch eine Gabe für Gläubige. Et la baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un don pour ceux qui croient. Salvation is a gift to unbelievers. Errettung ist ein Geschenk für Ungläubige. Le salut est un don pour les incroyants. If you are not a believer, there's Baptism of the Holy Ghost is a gift for you. Und wenn du dann gläubig geworden bist, ist die Taufe des Heiligen Geistes ein Geschenk für dich. Et quand tu deviens un croyant, la baptême du Saint-Esprit est un don pour toi. Grace is also a gift. Gnade ist auch ein Geschenk. Et la grâce aussi, c'est un don. Praise the Lord. Alléluia. In 2 Peter 2:2. 2 Petrus 2:2. 2 Peter 2:2. 2 Pierre 2:2. Praise the Lord. Hallelujah. We don't care what people are going to say. Uns ist egal, was what we sagen care werden. For is what Christ is saying. Was uns wichtig ist das, was Jesus sagt. Et c'est, ça nous égale qu'est-ce que les gens disent. Ce qui est important pour nous, c'est ce que Jésus dit. Amen. Amen. Are we to even read it from one? Amen. Amen. Let us read it from one. Amen. On va lire à partir says, de 1. But yet, we are false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Verse 2. And many shall follow their pernicious ways. Verse 2. by reason of whom the way of the truth shall be evil spoken of. And through covetousness shall they with thick words make messengers of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. For if God spare not the angels that sin, but cast them down to hell. I don't know if somebody is understanding here. He did not spare the angels. Er hat die Engel nicht verschont. Naturally, Dieu n'a pas épargné les anges. Naturally, the angels, they are greater than man. Natürlich gesehen sind Engel eigentlich größere Wesen als Menschen. Naturellement, les anges sont une création plus grande que les hommes. One angel can destroy the whole city in a twinkling of an eye. Ein Engel kann eine ganze Stadt zerstören in Sekunden. Car un ange est capable de détruire toute une ville. Weil ein Geist ist und ein Mensch ist Fleisch. Car c'est un ange est esprit et les hommes sont dans la chair. It is when you now have Christ that we are greater than the angels. Nur mit Christus sind wir größer als die Engel. Seulement avec Jésus-Christ, si tu as Jésus en toi, tu es plus grand que les anges. And the book of Corinthians says you are going to judge the angels. Korinther lesen wir sogar, dass wir über sie richten werden wegen Christus in uns. Et dans le livre des Corinthiens, on lit même qu'on va juger sur les anges parce que Jésus-Christ est en nous. Here he said, if God spare not the angels that sinned, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. Praise the Lord. Hallelujah. How will he spare you? Wie will er dann uns verschonen? Et comment est-ce que il veut nous il va nous épargner? Nous épargner. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3 said that we follow their evil ways. In Vers 3 steht, dass sie ihren bösen Wegen folgen werden. Et dans verset 3, il est écrit qu'ils vont suivre leurs mauvaises œuvres. Look at the ways. Look at what the Lord said about their ways. Go to Isaiah 5. Isaiah 5. Isaiah 5, verse 20. Isaiah 5, verse 20. On va lire Isaïe 5, verset 20. Isaiah 5, verse 20. Verse 20. Praise the Lord. Hallelujah. Are we there, please? Who will read it? Who will help us to read? I will read. Okay. Okay, Charlie. Isaiah 5:20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur et la douceur en amertume. He said, woe unto them that call good, that call evil good, and good evil. Amen. Amen. That put darkness for light, and light for darkness. That pour bitter for sweet and sweet for bitter. Then verse 21. Woe unto them that are wise in their own eyes. Are you getting it? Those that are wise in their own eyes. Die in ihren Augen, woe unto you. Die in eigenen Augen weise sind, wie euch. Malheur à vous qui vous prenez pour sage et vous croyez qui est intelligent. Die schlau sind in ihren eigenen Augen. Qui croient qu'ils sont intelligents dans leurs propres yeux. And prudent in their own sight. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We will stop here. Amen. Amen. And continue on. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.